seul sur cette planète. Il n'y a que moi et ma grosse tête. Je suis seul à faire la fête. Je suis seul et ça m'embête. À qui pourrais-je parler pour partager mes peines, ouvrir mon cœur et me vider, qu'on m'écoute, qu'on me comprenne. Mais dans ce monde personne ne peut, ou plutôt personne ne veut, car moi je ne suis pas John F. K. Car moi non, je n'intéresse pas. Moi je fais mes chansons sans aucune frustration, incapable d'être honnête, incapable de faire la fête. Et même toi ma petite chérie, le soir quand je suis dans ton lit, de mes chansons toi tu t'en fous, tu veux juste des bisous partout. Mais le matin quand je me réveille, je suis plus triste que la veille, je suis plus seul que la veille, je suis plus mort que la veille, que la veille. Mais mon cynisme est mal acheté, m'accompagne depuis des années, et au moins j'en suis persuadé, ne me trahiront jamais. Card Kant mon meilleur ami, Card Kant même Anthony dit de moi que j'ai changé, que je ne suis qu'un enculé, un petit con qui se la pète, qui met une balle dans la tête, un connard schizophrène, un baiser beau gosse que rien ne freine. Mais seulement si vous saviez, mais seulement si tu savais, comme je suis abandonné, tout seul, parfois délaissé. Je ne sais plus ce que je vaux, je ne sais même plus qui je suis, ni ce que je veux, ni ce que je fous là, ni même ce que je sais, ce que je sais pas. Alors allez-y, faites-vous plaisir, prenez mon corps, mon âme en peine, enterrez-le dans un trou sans fond, laissez-moi me faire bouffer par des vers. De toute façon la vie n'est qu'un enfer, l'humanité n'est qu'une connerie, l'humain le plus gros des cons est sûrement moi, le plus gros d'entre eux. Allez-y, tuez-moi, tuez-moi, faites de moi n'importe quoi, noyez mon cœur, pendez mon corps, brûlez mes pleurs, tuez encore. Allez-y, tuez-moi, tuez-moi, faites de moi n'importe quoi, noyez mon cœur, pendez mon corps, brûlez mes pleurs et tuez encore. Mais tous les matins quand je me réveille, je suis plus triste que la veille, je suis plus seul que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort, je suis plus mort que la veille, je suis plus triste que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus seul que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort que la veille, je suis plus mort, je suis plus mort, je suis plus mort, je suis plus mort.